En Corée, sont parues les affiches illustrées consacrées au 5e festival artistique populaire Printemps d'avril, qui aura lieu à l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, grand leader. Sur les affiches sont inscrits les mots 5e festival artistique populaire Printemps d'avril, les appellations du festival par catégorie, l'emblème et la période du festival. Les affiches consacrées à la catégorie des troupes artistiques et à la catégorie des cercles artistiques figurent les artistes et les membres des cercles artistiques qui impulsent l'œuvre révolutionnaire du Tse, œuvre révolutionnaire de Sun Gun, par leurs activités pleines de vigueur et d'optimisme révolutionnaire. Et les affiches consacrées à la catégorie des troupes de propagande artistique et à la catégorie des troupes de propagande artistique mobile représentent les membres des troupes qui encouragent l'offensive générale de tout le peuple dans tous les secteurs de la révolution.